ensemble, passer Noël ensemble, Noël ensemble, passer Noël ensemble, oublier les frontières, dépasser nos querelles. Ce soir nous rassemble, refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, de former une guirlande et quand tout n'est qu'étincelle, qu'une étoile nous attende. Contre le silence qui nous entoure, laissez faire la magie, les flocons de lumière et les regards remplis de soleil. Quand les nuits se ressemblent, d'un mot, une prière, faire que nos mains se tendent. Année en décembre, on sait pourquoi on court quand on cherche l'amour. Ensemble.